Les activités pour célébrer le plus solennellement et significativement l'historique 7e congrès du Parti travail de Corée se déroulent partout dans le monde. Juste après la publication à la fin d'octobre de l'année passée de la décision du bureau politique du comité central du Parti travail de Corée à propos de la convocation de son 7e congrès, les partis politiques, formations et personnalités de différents milieux de divers pays l'ont soutenu chaleureusement à travers les déclarations et entretiens. Divers pays comme Pérou et Bangladesh décernent à la veille du congrès du Parti du Travail de Corée les titres d'honneur et les diplômes d'exploit aux grands hommes Paektusan qui ont accompli les exploits mortels pour la fondation et le renforcement du parti. Par ailleurs, les comités préparatoires pour célébrer en grande pompe le 7e congrès du Parti du Travail de Corée sont constitués successivement dans divers pays et les institutions internationales et régionales et organisent diverses cérémonies. À l'appel du 20e séminaire des partis politiques du monde sur l'édification d'une société nouvelle, le mouvement de solidarité internationale pour la juste cause du Parti et du peuple coréen se développe à l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Les médias de divers pays du monde, y compris les internets, expliquent la politique et la ligne du Parti du Travail de Corée et rapportent leur justesse et leur vitalité, ainsi que les succès dans la campagne des 70 jours.